Les Confessions, livre 10, 1758. La force extraordinaire qu'une effervescence passagère m'avait donnée pour quitter l'ermitage m'abandonna sitôt que j'en fus dehors. À peine fus-je établi dans ma nouvelle demeure que de vives et fréquentes attaques de mes rétentions se compliquèrent avec l'incommodité nouvelle d'une descente qui me tourmentait depuis quelque temps, sans que je susse que c'en était une. Je tombai bientôt dans les plus cruels accidents. Le médecin Thierry, mon ancien ami, vint me voir et m'éclaira sur mon état. Les sondes, les bougies, les bandages, tout l'appareil des infirmités de l'âge rassemblé autour de moi, me fit durement sentir qu'on n'a plus le cœur jeune impunément, quand le corps a cessé de l'être. La belle saison ne me rendit point mes forces, et je passai toute l'année 1758 dans un état de langueur qui me fit croire que je touchais à la fin de ma carrière. J'en voyais approcher le terme avec une sorte d'empressement. Revenu des chimères de l'amitié, détaché de tout ce qui m'avait fait aimer la vie, je n'y voyais plus rien qui pût me la rendre agréable. Je n'y voyais plus que des maux et des misères qui m'empêchaient de jouir de moi. J'aspirais au moment d'être libre et d'échapper à mes ennemis. Mais reprenons le fil des événements. Il paraît que ma retraite à Montmorency déconcerta Madame d'Épinay. Vraisemblablement, elle ne s'y était pas attendue. Mon triste état, la rigueur de la saison, l'abandon général où je me trouvais, tout leur faisait croire, à Grimm et à elle, qu'en me poussant à la dernière extrémité, ils me réduiraient à crier merci et à m'avilir aux dernières bassesses pour être laissé dans l'asile dont l'honneur m'ordonnait de sortir. Je délogeai si brusquement qu'ils n'eurent pas le temps de prévenir le coup, et il ne leur resta plus que le choix de jouer à quitte ou double, et d'achever de me perdre ou de tâcher de me ramener. Grimm prit le premier parti, mais je crois que Madame d'Épinay eût préféré l'autre, et j'en juge par sa réponse à ma dernière lettre, où elle radoucit beaucoup le ton qu'elle avait pris dans les précédentes, et où elle semblait ouvrir la porte à un raccommodement. Le long retard de cette réponse, qu'elle me fit attendre un mois entier, indique assez l'embarras où elle se trouvait pour lui donner un tour convenable, et les délibérations dont elle la fit précéder. Elle ne pouvait s'avancer plus loin sans se commettre, mais après ses lettres précédentes et après ma brusque sortie de sa maison, l'on ne peut qu'être frappé du soin qu'elle prend dans cette lettre de n'y pas laisser glisser un seul mot désobligeant. Je vais la transcrire en entier afin qu'on en juge. À Genève, le 17 janvier 1758. Lias B, numéro 23. Je n'ai reçu votre lettre du 17 décembre, monsieur, qu'hier. On me l'a envoyée dans une caisse remplie de différentes choses, qui a été tout ce temps en chemin. Je ne répondrai qu'à la postille. Quant à la lettre, je ne l'entends pas bien. Et si nous étions dans le cas de nous expliquer, je voudrais bien mettre tout ce qui s'est passé sur le compte d'un malentendu. Je reviens à la postille. Vous pouvez vous rappeler, monsieur, que nous étions convenus que les gages du jardinier de l'ermitage passeraient par vos mains pour lui mieux faire sentir qu'il dépendait de vous et pour vous éviter des scènes aussi ridicules et indécentes qu'en avait fait son prédécesseur. La preuve en est que les premiers quartiers de ces gages vous ont été remis et que j'étais convenu avec vous, peu de jours avant mon départ, de vous faire rembourser vos avances. Je sais que vous en fîtes d'abord difficulté, mais ces avances, je vous avais prié de les faire. Il était simple de m'acquitter, et nous en convînmes. Kawé m'a marqué que vous n'avez point voulu recevoir cet argent. Il y a assurément du quiproquo là-dedans. Je donne ordre qu'on vous le reporte, et je ne vois pas pourquoi vous voudriez payer mon jardinier, malgré nos conventions, et au-delà même du terme que vous avez habité l'ermitage. Je compte donc, monsieur, que, vous rappelant tout ce que j'ai l'honneur de vous dire, vous ne refuserez pas d'être remboursé de l'avance que vous avez bien voulu faire pour moi. » Après tout ce qui s'était passé, ne pouvant plus prendre de confiance en Madame d'Épinay, je ne voulus point renouer avec elle. Je ne répondis point à cette lettre, et notre correspondance finit là. Voyant mon parti pris, elle prit le sien. Et entrant alors dans toutes les vues de Grimm et de la coterie holbachique, elle unit ses efforts aux leurs pour me couler à fond. Tandis qu'il travaillait à Paris, elle travaillait à Genève. Grimm, qui dans la suite alla les joindre, acheva ce qu'elle avait commencé. Tronchin, qu'ils n'eurent pas de peine à gagner, les seconda puissamment et devint le plus furieux de mes persécuteurs, sans avoir jamais eu de moi, non plus que Grimm, le moindre sujet de plainte. Tous trois d'accord semèrent sourdement dans Genève le germe qu'on y vit éclore 4 ans après. Ils eurent plus de peine à Paris, où j'étais plus connu, et où les cœurs, moins disposés à la haine, n'en reçurent pas si aisément les impressions. Pour porter leur coup avec plus d'adresse, ils commencèrent par débiter que c'était moi qui les avais quittés. Voyez la lettre de Delaire, Lias B, numéro 30. De là, feignant d'être toujours mes amis, ils se mettent adroitement à leurs accusations malignes, comme des plaintes de l'injustice de leur ami. Cela faisait que, moins en garde, on n'était plus porté à les écouter et à me blâmer. Les sourdes accusations de perfidie et d'ingratitude se débitaient avec plus de précaution, et par là même, avec plus d'effet. Je sus qu'ils m'imputaient des noirceurs atroces, sans jamais pouvoir apprendre en quoi ils les faisaient consister. Tout ce que je pus déduire de la rumeur publique fut qu'elle se réduisait à ces 4 crimes capitaux. 1. Ma retraite à la campagne. 2. Mon amour pour Madame d'Outedot. 3. Refus d'accompagner à Genève Madame d'Épinay. 4. Sortie de l'ermitage. S'ils y ajoutèrent d'autres griefs, ils prirent leur mesure si juste qu'il m'a été parfaitement impossible d'apprendre jamais quel en était le sujet. C'est donc ici que je crois pouvoir fixer l'établissement d'un système adopté depuis par ceux qui disposent de moi, avec un progrès et un succès si rapide qu'ils tiendraient du prodige, pour qui ne saurait pas quelle facilité tout ce qui favorise la malignité des hommes trouve à s'établir. Il faut tâcher d'expliquer en peu de mots ce que cet obscur et profond système a de visible à mes yeux. Avec un nom déjà célèbre et connu dans toute l'Europe, j'avais conservé la simplicité de mes premiers goûts. Ma mortelle aversion pour tout ce qui s'appelait parti, faction, cabale, m'avait maintenu libre, indépendant, sans autre chaîne que les attachements de mon cœur. Seul, étranger, isolé, sans appui, sans famille, ne tenant qu'à mes principes et à mes devoirs, je suivais avec intrépidité les routes de la droiture, ne flattant, ne ménageant jamais personne aux dépens de la justice et de la vérité. De plus, retiré depuis 2 ans dans la solitude, sans correspondance de nouvelles, sans relation des affaires du monde, sans être instruit ni curieux de rien, je vivais à 4 lieues de Paris, aussi séparé de cette capitale par mon incurie que je l'aurais été par les mers dans l'île de Tignan. Grimm, Diderot, d'Holbach, au contraire, au centre du tourbillon, vivaient répandus dans le plus grand monde et s'en partageaient presque entre eux toutes les sphères. Grands, beaux esprits, gens de lettres, gens de robe, femmes, ils pouvaient de concert se faire écouter partout. On doit voir déjà l'avantage que cette position donne à 3 hommes bien unis contre un 4e, dans celle où je me trouvais. Il est vrai que Diderot et d'Holbach n'étaient pas, du moins je ne puis le croire, gens à tramer des complots bien noirs. L'un n'en avait pas la méchanceté, ni l'autre l'habileté. mais c'était en cela même que la partie était mieux liée. Grimm seul formait son plan dans sa tête et n'en montrait aux deux autres que ce qu'ils avaient besoin de voir pour concourir à l'exécution. L'ascendant qu'il avait pris sur eux rendait ce concours facile et l'effet du tout répondait à la supériorité de son talent. Ce fut avec ce talent supérieur que, sentant l'avantage qu'il pouvait tirer de nos positions respectives, il forma le projet de renverser ma réputation de fond en comble et de m'en faire une tout opposée, sans se compromettre, en commençant par élever autour de moi un édifice de ténèbres qu'il me fut impossible de percer pour éclairer ses manœuvres et pour le démasquer. Cette entreprise était difficile, en ce qu'il en fallait pallier l'iniquité aux yeux de ceux qui devaient y concourir. Il fallait tromper les honnêtes gens. Il fallait écarter de moi tout le monde, ne pas me laisser un seul ami, ni petit, ni grand. Que dis-je ? Il ne fallait pas laisser percer un seul mot de vérité jusqu'à moi. Si un seul homme généreux me fût venu dire « Vous faites le vertueux, cependant, voilà comment vous traite, et voilà sur quoi l'on vous juge. Qu'avez-vous à dire ?» La vérité triomphait, et Grimm était perdu. Il le savait, mais il a sondé son propre cœur et n'a estimé les hommes que ce qu'ils valent. Je suis fâché pour l'honneur de l'humanité qu'il ait calculé si juste. En marchant dans ces souterrains, ses pas, pour être sûr, devaient être lents. Il y a 12 ans qu'il suit son plan, et le plus difficile reste encore à faire, c'est d'abuser le public entier. Il y reste des yeux qui l'ont suivi de plus près qu'il ne pense. Il le craint et n'ose encore exposer sa trame au grand jour. Mais il a trouvé le peu difficile moyen d'y faire entrer la puissance. Et cette puissance dispose de moi. Soutenu de cet appui, il avance avec moins de risques. Les satellites de la puissance se piquant peu de droiture pour l'ordinaire et beaucoup moins de franchise, il n'a plus guère à craindre l'indiscrétion de quelque homme de bien. Car il a besoin surtout que je sois environné de ténèbres impénétrables, et que son complot me soit toujours caché, sachant bien qu'avec quel quart qu'il en ait ourdi la trame, elle ne soutiendrait jamais mes regards. Sa grande adresse est de paraître me ménager en me diffamant, et de donner encore à sa perfidie l'air de la générosité. Je sentis les premiers effets de ce système par les sourdes accusations de la coterie holbachique, sans qu'il me fût possible de savoir, ni de conjecturer même, en quoi consistaient ces accusations. Delaire me disait dans ses lettres qu'on m'imputait des noirceurs. Diderot me disait plus mystérieusement la même chose. Et quand j'entrais en explication avec l'un et l'autre, tout se réduisait au chef d'accusation ci-devant noté. Je sentais un refroidissement graduel dans les lettres de Madame Doudetot. Je ne pouvais attribuer ce refroidissement à Saint-Lambert, qui continuait à m'écrire avec la même amitié, et qui me vint même voir après son retour. Je ne pouvais non plus m'en imputer la faute, puisque nous nous étions séparés très contents l'un de l'autre, et qu'il ne s'était rien passé de ma part depuis ce temps-là, que mon départ de l'ermitage, dont elle avait elle-même senti la nécessité. Ne sachant donc à quoi m'en prendre de ce refroidissement dont elle ne convenait pas, mais sur lequel mon cœur ne prenait pas le change, j'étais inquiet de tout. Je savais qu'elle ménageait extrêmement sa belle-sœur et Grimm à cause de leur liaison avec Saint-Lambert. Je craignais leurs œuvres. Cette agitation rouvrit mes plaies et rendit ma correspondance orageuse au point de l'en dégoûter tout à fait. J'entrevoyais 1000 choses cruelles, sans rien voir distinctement. J'étais dans la position la plus insupportable pour un homme dont l'imagination s'allume aisément. Si j'eusse été tout à fait isolé, si je n'avais rien su du tout, je serais devenu plus tranquille. Mais mon cœur tenait encore à des attachements, par lesquels mes ennemis avaient sur moi 1000 prises. Et les faibles rayons qui perçaient dans mon asile ne servait qu'à me laisser voir la noirceur des mystères qu'on me cachait. J'aurais succombé, je n'en doute point, à ce tourment trop cruel, trop insupportable à mon naturel ouvert et franc, qui, par l'impossibilité de cacher mes sentiments, me fait tout craindre de ce qu'on me cache. Si, très heureusement, il ne se fût présenté des objets assez intéressants à mon cœur pour faire une diversion salutaire à ceux qui m'occupaient malgré moi. Dans la dernière visite que Diderot m'avait faite à l'Ermitage, il m'avait parlé de l'article Genève que d'Alembert avait mis dans l'encyclopédie. Il m'avait appris que cet article, concerté avec des Genevois du haut étage, avait pour but l'établissement de la comédie à Genève, qu'en conséquence les mesures étaient prises et que cet établissement ne tarderait pas d'avoir lieu. Comme Diderot paraissait trouver tout cela fort bien, qu'il ne doutait pas du succès, et que j'avais avec lui trop d'autres débats pour disputer encore sur cet article, je ne lui dis rien. Mais, indigné de tout ce manège de séduction dans ma patrie, j'attendais avec impatience le volume de l'encyclopédie où était cet article, pour voir s'il n'y aurait pas moyen d'y faire quelque réponse qui pût parer ce malheureux coup. Je reçus le volume peu après mon établissement à Montlouis, et je trouvai l'article fait avec beaucoup d'adresse et d'art, et digne de la plume dont il était parti. Cela ne me détourna pourtant pas de vouloir y répondre, et malgré l'abattement où j'étais, malgré mes chagrins et mes maux, la rigueur de la saison et l'incommodité de ma nouvelle demeure, dans laquelle je n'avais pas encore eu le temps de m'arranger, je me mis à l'ouvrage avec un zèle qui surmonta tout. Pendant un hiver assez rude, au mois de février, et dans l'état que j'ai décrit ci-devant, j'allais tous les jours passer 2 heures le matin et autant l'après-dîner dans un donjon tout ouvert que j'avais au bout du jardin où était mon habitation. Ce donjon, qui terminait une allée en terrasse, donnait sur la vallée et l'étang de Montmorency, et m'offrait, pour terme de point de vue, le simple mais respectable château de Saint-Gratien, retraite du vertueux Catinat. Ce fut dans ce lieu, pour lors glacé, que, sans abri contre le vent et la neige, et sans autre feu que celui de mon cœur, je composais, dans l'espace de 3 semaines, ma lettre à d'Alembert sur les spectacles. C'est ici, car la Julie n'était pas à moitié faite, le premier de mes écrits où j'ai trouvé des charmes dans le travail. Jusqu'alors, l'indignation de la vertu m'avait tenu lieu d'Apollon. La tendresse et la douceur d'âme m'en tinrent lieu cette fois. Les injustices, dont je n'avais été que spectateur, m'avaient irrité. Celles dont j'étais devenu l'objet m'attristèrent. Et cette tristesse sans fiel n'était que celle d'un cœur trop aimant, trop tendre, qui, trompé par ce qu'il avait cru de sa trempe, était forcé de se retirer au-dedans de lui. Plein de tout ce qui venait de m'arriver, encore ému de tant de violents mouvements, le mien mêlait le sentiment de ses peines aux idées que la méditation de mon sujet m'avait fait naître. Mon travail se sentit de ce mélange. Sans m'en apercevoir, j'y décrivis ma situation actuelle. J'y peignis Grimm, Madame d'Épinay, Madame d'Oudetot, Saint-Lambert, moi-même. En l'écrivant, que je versais de délicieuses larmes. Hélas, on y sent trop que l'amour, cet amour fatal dont je m'efforçais de guérir, n'était pas encore sorti de mon cœur. À tout cela se mêlait un certain attendrissement sur moi-même, qui me sentait mourant, et qui croyait faire au public mes derniers adieux. Loin de craindre la mort, je la voyais approcher avec joie. Mais j'avais regret de quitter mes semblables sans qu'ils sentissent tout ce que je valais, sans qu'ils sussent combien j'aurais mérité d'être aimé d'eux s'ils m'avaient connu davantage. Voilà les secrètes causes du ton singulier qui règne dans cet ouvrage et qui tranche si prodigieusement avec celui du précédent. Je retouchais et mettais au net cette lettre, et je me disposais à la faire imprimer, quand, après un long silence, j'en reçus une de Madame Doudetot, qui me plongea dans une affliction nouvelle, la plus sensible que j'eusse encore éprouvée. Elle m'apprenait dans cette lettre, Lias B numéro 34, que ma passion pour elle était connue de tout Paris, que j'en avais parlé à des gens qui l'avaient rendue publique, que ces bruits, parvenus à son amant, avaient failli lui coûter la vie, qu'enfin il lui rendait justice et que leur paix était faite, mais qu'elle lui devait, ainsi qu'à elle-même et aux soins de sa réputation, de rompre avec moi tout commerce, m'assurant au reste qu'ils ne cesseraient jamais l'un et l'autre de s'intéresser à moi, qu'ils me défendraient dans le public et qu'elle enverrait de temps en temps savoir de mes nouvelles. « Et toi aussi, Diderot ? » m'écriai-je. « Indigne ami !» Je ne pus cependant me résoudre à le juger encore. Ma faiblesse était connue d'autres gens qui pouvaient l'avoir fait parler. Je voulus douter. Mais bientôt je ne le pus plus. Saint Lambert fit, peu après, un acte digne de sa générosité. Il jugeait, connaissant assez mon âme, en quel état je devais être, trahi d'une partie de mes amis et délaissé des autres. Il vint me voir. La première fois, il avait peu de temps à me donner. Il revint. Malheureusement, ne l'attendant pas, je ne me trouvais pas chez moi. Thérèse, qui s'y trouva, eut avec lui un entretien de plus de 2 heures, dans lequel ils se dirent mutuellement beaucoup de faits dont il m'importait que lui et moi fussions informés. La surprise avec laquelle j'appris par lui que personne ne doutait dans le monde que je n'eusse vécu avec Madame d'Épinay comme Grimm y vivait maintenant, ne peut être égalée que par celle qu'il eut lui-même en apprenant combien ce bruit était faux. Saint Lambert, au grand déplaisir de la dame, était dans le même cas que moi, et tous les éclaircissements qui résultèrent de cet entretien achevèrent d'éteindre en moi tout regret d'avoir rompu sans retour avec elle. Par rapport à Madame Doudetot, il détailla à Thérèse plusieurs circonstances qui n'étaient connues ni d'elle ni même de Madame Doudetot, que je savais seule, que je n'avais dites qu'au seul Diderot sous le sceau de l'amitié. Et c'était précisément Saint Lambert qu'il avait choisi pour lui en faire la confidence. Ce dernier trait me décida. Et, résolu de rompre avec Diderot pour jamais, je ne délibérais plus que sur la manière, car je m'étais aperçu que les ruptures secrètes tournaient à mon préjudice, en ce qu'elles laissaient le masque de l'amitié à mes plus cruels ennemis. Les règles de bienséance établies dans le monde sur cet article semblent dictées par l'esprit de mensonge et de trahison. Paraître encore l'ami d'un homme dont on a cessé de l'être, c'est se réserver des moyens de lui nuire en surprenant les honnêtes gens. Je me rappelais que, quand l'illustre Montesquieu rompit avec le père de Tournemine, il se hâta de le déclarer hautement, en disant à tout le monde « N'écoutez ni le père de Tournemine ni moi, parlant l'un de l'autre, car nous avons cessé d'être amis. » Cette conduite fut très applaudie, et tout le monde en loua la franchise et la générosité. Je résolus de suivre avec Diderot le même exemple. Mais comment, de ma retraite, publier cette rupture authentiquement, et pourtant sans scandale? Je m'avisai d'insérer, par forme de note dans mon ouvrage, un passage du livre de l'Ecclésiastique, qui déclarait cette rupture et même le sujet assez clairement pour quiconque était au fait, et ne signifiait rien pour le reste du monde, m'attachant au surplus à ne désigner dans l'ouvrage l'ami auquel je renonçais qu'avec l'honneur qu'on doit toujours rendre à l'amitié même éteinte. On peut voir tout cela dans l'ouvrage même. Il n'y a cœur et malheur dans ce monde, et il semble que tout acte de courage soit un crime dans l'adversité. Le même trait qu'on avait admiré dans Montesquieu, ne m'attira que blâme et reproche. Sitôt que mon ouvrage fut imprimé et que j'en eus des exemplaires, j'en envoyai un à Saint-Lambert, qui, la veille même, m'avait écrit, au nom de Madame Doudetot et au sien, un billet plein de la plus tendre amitié. Lias B, numéro 37. Voici la lettre qu'il m'écrivit en me renvoyant mon exemplaire. Aubonne, 10 octobre 1758. Lias B, numéro 38. En vérité, monsieur, je ne puis accepter le présent que vous venez de me faire. À l'endroit de votre préface, où, à l'occasion de Diderot, vous citez un passage de l'Ecclésiaste, il se trompe, c'est de l'Ecclésiastique, le livre m'est tombé des mains. Après les conversations de cet été, vous m'avez paru convaincu que Diderot était innocent des prétendues indiscrétions que vous lui imputiez. Il peut avoir des torts avec vous, je l'ignore, mais je sais bien qu'il ne vous donne pas le droit de lui faire une insulte publique. Vous n'ignorez pas les persécutions qui les suivent, et vous allez mêler la voix d'un ancien ami au cri de l'envie. Je ne puis vous dissimuler, monsieur, combien cette atrocité me révolte. Je ne vis point avec Diderot, mais je l'honore, et je sens vivement le chagrin que vous donnez à un homme à qui, du moins vis-à-vis de moi, vous n'avez jamais reproché qu'un peu de faiblesse. Monsieur, nous différons trop de principes pour nous convenir jamais. Oubliez mon existence. Cela ne doit pas être difficile. Je n'ai jamais fait aux hommes ni le bien ni le mal dont on se souvient longtemps. Je vous promets, moi, monsieur, d'oublier votre personne et de ne me souvenir que de vos talents. Je ne me sentis pas moins déchiré qu'indigné de cette lettre, et dans l'excès de ma misère, retrouvant enfin ma fierté, je lui répondis par le billet suivant. À Montmorency, le 11 octobre 1758. Monsieur, en lisant votre lettre, je vous ai fait l'honneur d'en être surpris, et j'ai eu la bêtise d'en être ému, mais je l'ai trouvé indigne de réponse. Je ne veux point continuer les copies de Madame Doudetot. S'il ne lui convient pas de garder ce qu'elle a, elle peut me le renvoyer. Je lui rendrai son argent. Si elle le garde, il faut toujours qu'elle envoie chercher le reste de son papier et de son argent. Je la prie de me rendre en même temps le prospectus dont elle est dépositaire. Adieu, monsieur. Le courage, dans l'infortune, irrite les cœurs lâches, mais il plaît aux cœurs généreux. Il paraît que ce billet fit rentrer Saint-Lambert en lui-même et qu'il eut regret à ce qu'il avait fait. Mais, trop fier à son tour pour en revenir ouvertement, il saisit, il prépara peut-être le moyen d'amortir le coup qu'il m'avait porté. 15 jours après, je reçus de M. d'Épinay la lettre suivante. Ce jeudi 26. Lias B, numéro 10. J'ai reçu, monsieur, le livre que vous avez eu la bonté de m'envoyer. Je le lis avec le plus grand plaisir. C'est le sentiment que j'ai toujours éprouvé à la lecture de tous les ouvrages qui sont sortis de votre plume. Recevez-en tous mes remerciements. J'aurais été vous les faire moi-même, si mes affaires m'eussent permis de demeurer quelque temps dans votre voisinage. Mais j'ai bien peu habité la Chevrette cette année. Monsieur et Madame Dupin viennent m'y demander à dîner dimanche prochain. Je compte que Monsieur de Lambert, Monsieur de Franqueuil et Madame Doudetot seront de la partie. Vous me feriez un vrai plaisir, monsieur, si vous vouliez être des nôtres. Toutes les personnes que j'aurai chez moi vous désirent et seront charmées de partager avec moi le plaisir de passer avec vous une partie de la journée. J'ai l'honneur d'être avec la plus parfaite considération, etc. Cette lettre me donna d'horribles battements de cœur. Après avoir fait, depuis un an, la nouvelle de Paris, l'idée de m'aller donner en spectacle vis-à-vis de Madame Doudetot me faisait trembler, et j'avais peine à trouver assez de courage pour soutenir cette épreuve. Cependant, puisque elle et Saint-Lambert le voulaient bien, puisque d'Épinay parlait au nom de tous les conviés, et qu'il n'en nommait aucun que je ne fusse bien aise de voir, Je ne crus point, après tout, me compromettre en acceptant un dîner où j'étais en quelque sorte invité par tout le monde. Je promis donc. Le dimanche, il fit mauvais. Monsieur d'Épinay m'envoya son carrosse et j'allais. Mon arrivée fit sensation. Je n'ai jamais reçu d'accueil plus caressant. On eût dit que toute la compagnie sentait combien j'avais besoin d'être rassurée. Il n'y a que les cœurs français qui connaissent ces sortes de délicatesses. Cependant, je trouvai plus de monde que je ne m'y étais attendu. Entre autres, le comte d'Oudetot, que je ne connaissais point du tout, et sa sœur, madame de Blainville, dont je me serais bien passé. Elle était venue plusieurs fois l'année précédente à Aubonne, et sa belle-sœur, dans nos promenades solitaires, l'avait souvent laissée s'ennuyer à garder le mulet. Elle avait nourri contre moi un ressentiment qu'elle satisfit durant ce dîner tout à son aise, car on sent que la présence du comte d'Oudetot et de Saint-Lambert ne mettait pas les rieurs de mon côté, et qu'un homme embarrassé dans les entretiens les plus faciles n'était pas fort brillant dans celui-là. Je n'ai jamais tant souffert, ni fait plus mauvaise contenance, ni reçu d'atteinte plus imprévue. Enfin, quand on fut sorti de table, je m'éloignai de cette mégère. J'eus le plaisir de voir Saint-Lambert et madame d'Oudetot s'approcher de moi, et nous causâmes ensemble une partie de l'après-midi, de choses indifférentes à la vérité, mais avec la même familiarité qu'avant mon égarement. Ce procédé ne fut pas perdu dans mon cœur, et si Saint-Lambert y eût pu lire, il en eût sûrement été content. Je puis jurer que, quoi qu'en arrivant, la vue de madame d'Oudetot m'eût donné des palpitations jusqu'à la défaillance, en m'en retournant, je ne pensais presque pas à elle. Je ne fus occupé que de Saint-Lambert. Malgré les malins sarcasmes de madame de Blainville, ce dîner me fit grand bien, et je me félicitai fort de ne m'y être pas refusé. J'y reconnus, non seulement que les intrigues de Grimm et des Olbachiens n'avaient point détaché de moi mes anciennes connaissances, mais ce qui me flatta davantage encore, c'est que les sentiments de madame d'Oudetot et de Saint-Lambert étaient moins changés que je n'avais cru. Et je compris enfin qu'il y avait plus de jalousie que de mésestime dans l'éloignement où il la tenait de moi. Cela me consola et me tranquillisa. Sûr de n'être pas un objet de mépris pour ceux qui l'étaient de mon estime, j'en travaillais sur mon propre cœur avec plus de courage et de succès. Si je ne vins pas à bout d'y éteindre entièrement une passion coupable et malheureuse, j'en réglai du moins si bien les restes qu'ils ne m'ont pas fait faire une seule faute depuis ce temps-là. Les copies de madame d'Oudetot, qu'elle m'engagea de reprendre, mes ouvrages que je continuais de lui envoyer quand il paraissait, m'attirèrent encore de sa part, de temps à autre, quelques messages et billets indifférents mais obligeants. Elle fit même plus, comme on verra dans la suite, et la conduite réciproque de tous les trois, quand notre commerce eut cessé, peut servir d'exemple de la manière dont les honnêtes gens se séparent quand il ne leur convient plus de se voir. Un autre avantage que me procura ce dîner fut qu'on en parla dans Paris et qu'il servit de réfutation sans réplique au bruit que répandaient partout mes ennemis, que j'étais brouillé mortellement avec tous ceux qui s'y trouvèrent et surtout avec monsieur d'Épinay. En quittant l'ermitage, je lui avais écrit une lettre de remerciement très honnête, à laquelle il répondit non moins honnêtement. Et les attentions mutuelles ne cessèrent point, tant avec lui qu'avec monsieur de Lalive, son frère, qui même vint me voir à Montmorency et m'envoya ses gravures. Or, les deux belles-sœurs de madame d'Oudetot, je n'ai jamais été mal avec personne de sa famille. Ma lettre à D'Alembert eut un grand succès. Tous mes ouvrages en avaient eu, mais celui-ci me fut plus favorable. Il apprit au public à se défier des insinuations de la coterie holbachique. Quand j'allais à l'ermitage, Elle prédit, avec sa suffisance ordinaire, que je n'y tiendrais pas 3 mois. Quand elle vit que j'y en avais tenu 20, et que, forcé d'en sortir, je fixais encore ma demeure à la campagne, elle soutint que c'était obstination pure, que je m'ennuyais à la mort dans ma retraite, mais que, rongé d'orgueil, j'aimais mieux y périr victime de mon opiniâtreté que de m'en dédire et revenir à Paris. La lettre à D'Alembert respirait une douceur d'âme qu'on sentait n'être point jouée. Si j'eusse été rongé d'humeur dans ma retraite, mon ton s'en serait senti. Il en régnait dans tous les écrits que j'avais faits à Paris. Il n'en régnait plus dans le premier que j'avais fait à la campagne. Pour ceux qui savent observer, cette remarque était décisive. On vit que j'étais rentré dans mon élément. Cependant, ce même ouvrage, tout plein de douceur qu'il était, me fit encore, par ma balourdise et par mon malheur ordinaire, un nouvel ennemi parmi les gens de lettres. J'avais fait connaissance avec Marmontel, chez M. de la Poplinière, et cette connaissance s'était entretenue chez le baron. Marmontel faisait alors le Mercure de France. Comme j'avais la fierté de ne point envoyer mes ouvrages aux auteurs périodiques, et que je voulais cependant lui envoyer celui-ci, sans qu'il crût que c'était à ce titre, ni pour qu'il en parlât dans le Mercure, j'écrivis sur son exemplaire que ce n'était point pour l'auteur du Mercure, mais pour M. Marmontel. Je crus lui faire un très beau compliment. Il crut y voir une cruelle offense, et devint mon plus irréconciliable ennemi. Il écrivit contre cette même lettre avec politesse, mais avec un fiel qui se sent aisément, et depuis lors il n'a manqué aucune occasion de me nuire dans la société et de me maltraiter indirectement dans ses ouvrages. Tant le très irritable amour-propre des gens de lettres est difficile à ménager, et tant on doit avoir soin de ne rien laisser dans les compliments qu'on leur fait, qui puissent même avoir la moindre apparence d'équivoque. Devenu tranquille de tous les côtés, je profitais du loisir et de l'indépendance où je me retrouvais pour reprendre mes travaux avec plus de suite. J'achevai cet hiver la Julie et je l'envoyai à Ré, qui la fit imprimer l'année suivante. Ce travail fut cependant encore interrompu par une petite diversion, et même assez désagréable. J'appris qu'on préparait à l'opéra une nouvelle remise du devin du village. Outré de voir ces gens-là disposer arrogamment de mon bien, je repris le mémoire que j'avais envoyé à M. d'Argenson, et qui était demeuré sans réponse. Et l'ayant retouché, je le fis remettre par M. Cellon, résident de Genève, avec une lettre dont il voulut bien se charger, à M. le comte de Saint-Florentin, qui avait remplacé M. d'Argenson dans le département de l'opéra. M. de Saint-Florentin promit une réponse, et n'en fit aucune. Duclos, à qui j'écrivis ce que j'avais fait, en parla au petit violon, qui offrirent de me rendre, non mon opéra, mais mes entrées dont je ne pouvais plus profiter. Voyant que je n'avais d'aucun côté aucune justice à espérer, j'abandonnai cette affaire. Et la direction de l'opéra, sans répondre à mes raisons ni les écouter, a continué de disposer, comme de son propre bien, et de faire son profit du devin du village, qui, très incontestablement, n'appartient qu'à moi seul. Depuis que j'avais secoué le joug de mes tyrans, je menais une vie assez égale et paisible. Privée du charme des attachements trop vifs, j'étais libre aussi du poids de leurs chaînes. Dégoûtée des amis protecteurs, qui voulaient absolument disposer de ma destinée et m'asservir à leurs prétendus bienfaits malgré moi, j'étais résolue de m'en tenir désormais aux liaisons de simple bienveillance, qui, sans gêner la liberté, font l'agrément de la vie et dont une mise d'égalité fait le fondement. J'en avais de cette espèce autant qu'il m'en fallait pour goûter les douceurs de la société sans en souffrir la dépendance. Et sitôt que j'eus essayé de ce genre de vie, je sentis que c'était celui qui convenait à mon âge, pour finir mes jours dans le calme, loin de l'orage, des brouilleries et des tracasseries, où je venais d'être à demi submergé. Durant mon séjour à l'ermitage, et depuis mon établissement à Montmorency, j'avais fait à mon voisinage quelques connaissances qui m'étaient agréables et qui ne m'assujettissaient à rien. À leur tête était le jeune Loiseau de Mauléon, qui, débutant alors au barreau, ignorait quelle y serait sa place. Je n'eus pas comme lui ce doute. Je lui marquai bientôt la carrière illustre qu'on le voit fournir aujourd'hui. Je lui prédis que, s'il se rendait sévère sur le choix des causes, et qu'il ne fût jamais que le défenseur de la justice et de la vertu, son génie, élevé par ce sentiment sublime, égalerait celui des plus grands orateurs. Il a suivi mon conseil, et il en a senti l'effet. Sa défense de Monsieur de Porte est digne de Démosthène. Il venait tous les ans, à un quart de lieue de l'ermitage, passait les vacances à Saint-Brice, dans le fief de Mauléon, appartenant à sa mère, et où jadis avait logé le grand Bossuet. Voilà un fief dont une succession de pareils maîtres rendrait la noblesse difficile à soutenir. J'avais, au même village de Saint-Brice, le libraire Guérin, homme d'esprit, lettré, aimable, et de la haute volée dans son état. Il me fit faire aussi connaissance avec Jean Néholm, libraire d'Amsterdam, son correspondant et son ami, qui dans la suite imprima l'Émile. J'avais, plus près encore que Saint-Brice, M. Maltor, curé de Grolay, plus fait pour être homme d'État et ministre que curé de village, et à qui l'on eût donné tout au moins un diocèse à gouverner, si les talents décidaient des places. Il avait été secrétaire du comte du Luc et avait connu très particulièrement Jean-Baptiste Rousseau. Aussi plein d'estime pour la mémoire de cet illustre banni que d'horreur pour celle du fourbe Saurin qu'il avait perdu, il savait sur l'un et sur l'autre beaucoup d'anecdotes curieuses que Séguy n'avait pas mises dans la vie encore manuscrite du premier. Et il m'assurait que le comte du Luc, loin d'avoir jamais eu à s'en plaindre, avait conservé jusqu'à la fin de sa vie la plus ardente amitié pour lui. M. Maltor, à qui M. de Vintimille avait donné cette retraite assez bonne, après la mort de son patron, avait été employé jadis dans beaucoup d'affaires, dont il avait, quoique vieux, la mémoire encore présente, et dont il raisonnait très bien. Sa conversation, non moins instructive qu'amusante, ne sentait point son curé de village. Il joignait le ton d'un homme du monde aux connaissances d'un homme de cabinet. Il était, de tous mes voisins permanents, celui dont la société m'était la plus agréable et que j'ai eu le plus de regret de quitter. J'avais à Montmorency les oratoriens, et entre autres le père Berthier, professeur de physique, auquel, malgré quelques légers vernis de pédanterie, je m'étais attaché par un certain air de bonhomie que je lui trouvais. J'avais cependant peine à concilier cette grande simplicité avec le désir et l'art qu'il avait de se fourrer partout, chez les grands, chez les femmes, chez les dévots, chez les philosophes. Il savait se faire tout à tous. Je me plaisais fort avec lui. J'en parlais à tout le monde. Apparemment, ce que j'en disais lui revint. Il me remerciait un jour, en ricanant de l'avoir trouvé bon homme. Je trouvais dans son sourire je ne sais quoi de sardonique, qui changea totalement sa physionomie à mes yeux, et qui m'est souvent revenu depuis lors dans la mémoire. Je ne peux pas mieux comparer ce sourire qu'à celui de Panurge, achetant les moutons de Dindonneau. Notre connaissance avait commencé peu de temps après mon arrivée à l'ermitage, où il me venait voir très souvent. J'étais déjà établi à Montmorency quand il en partit pour retourner demeurer à Paris. Il y voyait souvent Madame Levasseur. Un jour, que je ne pensais à rien moins, il m'écrivit de la part de cette femme, pour m'informer que M. Grimm offrait de se charger de son entretien, et pour me demander la permission d'accepter cette offre. j'appris qu'elle consistait en une pension de 300 livres et que Madame Levasseur devait venir demeurer à Deuil, entre la Chevrette et Montmorency. Je ne dirai pas l'impression que fit sur moi cette nouvelle, qui aurait été moins surprenante si Grimm avait eu 10 000 livres de rente, ou quelques relations plus faciles à comprendre avec cette femme, et qu'on ne m'eût pas fait un si grand crime de l'avoir amenée à la campagne, où, cependant, il lui plaisait maintenant de la ramener, comme si elle était rajeunie depuis ce temps-là. Je compris que la bonne vieille ne me demandait cette permission, dont elle aurait bien pu se passer si je l'avais refusée, qu'afin de ne pas s'exposer à perdre ce que je lui donnais de mon côté. Quoique cette charité me parût très extraordinaire, elle ne me frappa pas alors autant qu'elle a fait dans la suite. Mais quand j'aurais su tout ce que j'ai pénétré depuis, je n'en aurais pas moins donné mon consentement, comme je fis et comme j'étais obligée de faire, à moins de renchérir sur l'offre de Monsieur Grimm. Depuis lors, le père Berthier me guérit un peu de l'imputation de bonhomie qui lui avait paru si plaisante et dont je l'avais si étourdiment chargée.